Première question, Daniel. Que peut-on voir du Petit Prince et de Saint-Exupéry? Alors, Le Petit Prince et Saint-Exupéry, c'est un livre écrit sous manipulation spirituelle, sous manipulation astrale. Très bon dans certains cadres. Mais Saint-Exupéry, lui, il n'a rien vécu d'ésotérique par rapport à quand il était aviateur. Tous les aviateurs solitaires, de toute façon, vivent des phénomènes ésotériques pour la simple raison que leur avion leur permet d'aller à une vitesse particulière qui fait que leur corps vital se dégage légèrement de leur corps physique, créant un stimuli qu'on retrouve dans certains exercices PMC supérieurs. Alors, les aviateurs solitaires, surtout, ont eu cette promotion, si on pourrait dire, au niveau d'un contact supramental inconscient. Saint-Exupéry a été manipulé, sauf que le livre qu'il a écrit est un livre d'ordre spirituel, d'ordre astral. Okay. Tu as parlé à quelques reprises de Belzébuth. Que penses-tu du livre « Récit de Belzébuth et son petit-fils » de J.I. Gurdjieff? Bon, alors pour la deuxième partie, disons que je ne veux pas parler de films et de livres, de ce que je pense d'eux. Je l'ai fait à la première partie. Alors, ce qui fait que la personne, elle n'a qu'à le lire suite à ce qui va être dit sur Belzébuth et elle pourra elle-même se faire une idée. On va aller passer un petit peu vite parce qu'il y a des sujets, disons, qui m'intéressent. Le phénomène des films, je tenais à en parler parce que je veux que vous compreniez convenablement et les prochaines fois que vous allez aller au cinéma, que vous puissiez voir clairement de quelle façon l'intelligence supramentale s'organise pour manipuler les masses de façon à les instruire ou à les préparer, et de quelle façon aussi les manipulations astrales se font par le biais des médias. C'est surtout pour cela qu'on en a parlé. Comment faire suite à la conférence il y a 2 semaines sur l'important, l'utile? J'ai constaté que je trouvais important le fait de ne pas blesser les autres, en parenthèse en particulier mes proches. Comment vivre en paix avec les autres peut-il être vu comme simplement utile? Car quand je suis en conflit avec mes proches, quand je me justifie, je ressens cela comme une sorte d'enfer. Bon, alors, elle a constaté qu'elle trouvait important le fait de ne pas blesser les autres, en particulier ses proches. Si c'est important, ça va être automatiquement souffrant. Si elle trouve cela utile, mais pas si elle décide que c'est utile, il faut qu'elle conscientise le fait que c'est utile de vivre avec les autres. Et encore là, il faudra savoir si c'est utile de vivre avec ces autres-là. Il faut comprendre surtout que si c'est dans votre faculté de préserver une harmonie écologique entre une relation, entre 2 êtres ou plus, vous le faites. Mais si vous devez défaire l'harmonie de quelqu'un pour construire l'harmonie d'un autre, c'est stupide, inintelligent, inécologique. Cela veut surtout dire que si vous devez défaire la vôtre pour construire celle d'un autre, vous êtes mauditement plus avancé si vous construisez la vôtre. Et tant pis pour celle de l'autre. Si je dis que je vous parle d'une couleur barbare, par exemple, une espèce de bleu suspect comme vêtement, mais un bleu criard, pas un bleu comme ça, alors, je peux dire, oh, mais peut-être que Richard va se sentir. Mais c'est son affaire à lui, ça le regarde. Lui, ça ne me regarde pas moi. C'est ses pénates à lui. Alors, ce qui fait que si moi, j'ai à dire quelque chose, quelqu'un vient me voir et me demande, « C'est-tu bon de fumer? » Puis lui, il me fume d'en face. Ben, il me répond, « Ben oui, non, tu sais, ça dépend. De, à cause que j'ai l'autre à côté et que je n'ai pas frustré. » Mais non, je me frustre. Tant qu'en frustrer un, on frustrait l'autre. Ça, c'est d'être écologique. Si je fais exprès pour le frustrer, c'est d'être imbécile. C'est inécologique autant que de faire exprès pour ne pas le frustrer. Alors, quelqu'un me demande, et j'ai mon patron qui est à côté qui fume, puis mon corps est mal lui répondre, ben non, c'est pas bon. Puis s'il me demande pourquoi, moi, tout lui dire. Mais je commence pas à piquer l'autre. Si l'autre se sent piqué, ça le regarde. Alors, c'est utile de vivre avec quelqu'un d'autre, mais ce qui est surtout utile, c'est de dresser les autres à apprendre à vivre avec vous. Et de non pas vous transformer, vous déformer, vous défaire complètement, parce que l'autre est sensible au fait qu'il se sent continuellement insulté, frustré, puis manipulé d'une façon qui ne plaît pas à son ego. Ça, vous devez comprendre ça. Il n'y a pas un seul être sur la planète qui va être suffisamment, qui va être en possibilité de survivre, de vivre à l'évolution humanitaire qui s'en vient, s'il n'est pas capable de s'assumer. Et s'assumer, ça veut dire commencer par cesser d'assumer les autres. Et lorsqu'on s'assume totalement, automatiquement, on connaît toutes les lois pour assumer les autres. Mais les autres, on doit leur montrer. La personne qui vient vous voir et qui vous demande un poisson, ben vous la frustrez si vous lui dites qu'elle devrait apprendre à pêcher. Ben vous lui donnez un poisson. Au bout de 50 ans, vous lui donnez encore des poissons. Parce que vous la frustrez. C'est utile qu'elle vienne vous voir, peut-être. Mais c'est peut-être beaucoup plus utile qu'elle soit frustrée et qu'elle ne vienne plus que si elle passe 50 ans à venir vous têter de l'énergie. Lorsque je suis dans une réunion familiale et que tout le monde fume, ils ne sont pas chez moi, ça ne me dérange pas. Et s'ils sont chez moi, ça me dérange, ils ne fumeront pas. S'ils ne veulent pas et puis ils ne viennent plus, tant pis, je m'en fous. Parce que sinon, ben, les inviter, mais quand ils vont venir, moi, je ne serai pas là. Bon, ah oui, mais tu frustres ta mère, tu frustres ci, tu frustres ça. Non, ils se frustrent eux-mêmes. Et s'ils veulent se frustrer eux-mêmes, je ne vois pas du tout l'intelligence d'embarquer dans leur jeu et de penser que c'est moi. Lorsque par exemple, dans un cours, on a Richard qui enseigne, qui donne des cours de PMC. Est-ce que je dois me dire, vu la couleur de sa peau, qu'il ne peut pas être professeur parce qu'il y a du monde qui va être frustré? Ou il doit être professeur de PMC supérieur parce que rendu à ce niveau-là, le monde ne devrait plus être frustré? Ben non. Ceux qui sont frustrés, ils n'ont rien à faire ici. On a plusieurs exemples que je peux vous donner fréquemment au niveau du centre, par exemple. Et il y a beaucoup de fois que le monde, je les frustre. Pas vrai. Ils se frustrent eux-mêmes du fait qu'ils ne sont pas capables eux-mêmes d'accepter qu'un autre soit l'autre. Il faut que tout le monde soit ce qu'on est. Et si vous n'êtes pas ce que l'autre veut que vous soyez, vous le frustrez. Alors, au nom de la politesse, au nom du savoir-vivre, au nom d'une harmonie particulière, vous manipulez l'autre pour que l'autre, bon, l'autre finit par s'écraser pour ne pas briser l'harmonie, puis vous force à vous écraser pour ne pas briser l'harmonie, ce qui crée une harmonie apparente entre deux êtres inharmonieux. S'il y en a un des deux qui décide de devenir harmonieux, il brise l'harmonie entre deux êtres inharmonieux. Alors là, il va se dire, oui, mais là, c'est de ma faute, l'autre est en chagrin, l'autre il y a ci, l'autre il y a ça, alors je vais rester inharmonieux pour que l'harmonie reste. Voyons donc. Savez-vous pourquoi qu'on doit éduquer l'homme à être poli? Parce que la politesse n'est pas inhérente à l'homme. Et encore moins à l'être ancien. Un enfant, c'est impoli. Et lorsqu'on le force à devenir poli, on le force à devenir faux. Un enfant authentique est impoli. Un enfant poli est un enfant déformé. Déformé pourquoi? Parce que l'adulte qui a été déformé ne peut pas vivre en harmonie avec quelque chose de vrai, d'authentique. L'enfant, il se fouille dans le nez, il se suit après la nappe de la table, c'est authentique. Mais là, on doit le chicaner, là, on doit lui montrer que ça ne se fait pas. Puis dans sa tête, ça se fait, il vient de le faire. Mais ça ne se fait pas. Sur quel plan ça ne se fait pas? Mais dans le plan de la morale, dans le plan de la spiritualité, dans le plan de moi, je ne le fais pas, puis moi, ça me dégoûte, parce que j'ai appris qu'il fallait que ça me dégoûte. Fait que maintenant, je suis bien éduqué, ça me dégoûte. Fait qu'il ne faut pas que tu le fasses parce que tu me dégoûtes. Alors, aussi faux que je suis, je dois transformer l'autre pour qu'il soit faux, de façon à ce qu'une harmonie soit recréée entre nous deux. Oh, mais il y a ça, deux êtres faux. Il y a une règle à retenir là-dessus. L'enfant, c'est pas tout le monde qui va essayer de cradonner sa nappe. La nappe se révèle après. Bon, tu dis ceci, toutes les personnes qui nous ouin-ouin, c'est des personnes fausses qui, justement, ne comprennent pas le fait d'être authentiques. Bon. Alors, qu'est-ce que ça va avoir de l'air, la nappe, quand elle va être pleine de crottes de nez? Qu'est-ce que ça a l'air d'une chambre d'enfant quand c'est bordel? Ben, à un moment donné, il s'écœure. Si les parents ne vont pas s'écœurer avant lui, parce que normalement, on chicane l'enfant, et la mère s'écœure avant l'enfant, ben, elle fait le ménage. Elle n'écœurera jamais l'enfant. L'enfant, il est au paradis. Il laisse tout en bordel, puis quand ça lui tente que ce soit propre, sa mère est passée par le demi-propre. C'est toujours correct. Un enfant qui se lave pas, ben, à un moment donné, il se lave. Mais un enfant qu'on force à se laver, il sait qu'il doit se laver pour pas se faire chicaner. Il comprendra jamais qu'il doit se laver pour être propre. Le mot propre ne dit rien chez lui. On doit lui laisser le temps de découvrir comment il doit être. Qu'est-ce que ça va avoir l'air, la nappe? C'est ça. Hey, la nappe, c'est important, maudit. L'enfant. Tiens, l'enfant, zéro. En dans le trou, l'enfant. La nappe, c'est important, mais l'enfant, déformons-le, du moment que la nappe reste pas déformée. OK, si tu comprends bien, c'est important. Que l'homme nouveau, il n'aura plus de propreté, l'esthétique n'existera plus. Dans le sens que tout va traîner, il ne pourra pas s'écœurer avec ça, puis ça va être le bordel, quoi, chez eux. Bon, c'est exactement comme si tu me demandais si un être qui n'a pas la faculté, qu'un être qui n'apprend pas la politesse, va automatiquement cracher dans le visage de ses voisins, va automatiquement pisser ses culottes, va automatiquement donner des coups sur les chats qu'il rencontre, va uriner dans les coins des rues, va aller acheter une auto neuve, puis va la tapasser tout de suite dessus, ne la lavera jamais. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas appris la politesse. Ça, c'est une faculté. Toi, tu n'es pas comme ça, tu l'as dit pour me pousser, c'est au bout. Mais ce qui arrive, c'est que ça, c'est tout à fait l'être ancien qui pense comme ça. Lui, il se dit, on ne peut pas vivre si on ne s'apprend pas à être poli. Et ça vient de où, la politesse? Alors, qui l'a inventé, la politesse? D'où ça vient? L'homme, sans apprendre à être poli, ne peut pas être poli. Alors, qui a été le premier qui a appris à être poli? Il l'a appris de où, s'il ne peut pas l'apprendre tout seul? Non. Celui qui n'est pas poli, n'est pas poli. Il est écologique. Donc, il marche dans la rue et il fait des choses comme il doit être fait. Alors, l'enfant de 2 ans qui écrit, qui essuie ses crottes de tapis, ses crottes de nez sur le tapis ou sur la nappe, c'est pas grave. Je peux même vous donner un exemple de personnes polies. Ceux qui, ici, de temps en temps, font ménage du salon, ils défont les tables. Et ils ôtent les gommes qui sont en dessous des tables. Et ça, c'est des adultes polis qui battent des enfants quand des enfants font la même chose. Et si on regarde, vous pouvez visiter tout à l'heure en sortant. Ça fait une semaine que les murs du centre ont été peinturés. Je peux vous montrer un paquet de places et des traces de café sur les murs. Des traces de café de la table à jusqu'à terre, puis il y en a plus qu'il faut. Et ça, ce sont des adultes qui vont être capables de chicaner un enfant parce que l'enfant fait exactement comme eux, sauf que l'enfant n'a pas la faculté de dissimuler ce qu'il fait. C'est la politesse. La politesse, c'est l'hypocrisie. Quand on est poli, on dissimule, on fait la même chose. Alors la politesse dit qu'on doit se filer dans le nez avec un mouchoir en avant. J'ai déjà entendu ça quelque part. La politesse dit qu'on doit se retourner de bord. Brillant. Tout à fait brillant. On ne peut pas se moucher à table, on ne peut pas, etc. Vous rencontrez quelqu'un et vous devez... La politesse, c'est quoi? C'est de dire qu'on aime quelque chose quand on ne l'aime pas. De dire que c'est beau même si c'est laid. C'est ça la politesse. Et tout ça au nom du fait qu'on ne veut pas briser l'harmonie créée entre moi qui est devenu faux et l'autre qui est devenu faux. Et là, on se demande, si je m'ajuste, ben ça va créer une inharmonie. Tout à fait évident. Parce qu'entre quelque chose d'authentique et quelque chose d'inauthentique, il ne peut pas y avoir d'harmonie. Sauf qu'au lieu de dire, je vais m'ajuster et être authentique, et à un moment donné, l'autre devra bien s'ajuster. Non. On se dit, je vais me désajuster et être faux pour être en harmonie avec la fausseté de l'autre. Sachez que les deux personnes qui veulent être polies ou qui veulent être en harmonie s'évertuent continuellement à être faux de façon à ne pas briser l'harmonie. Mais à un moment donné, il faudra essayer d'être vrai en ne brisant pas l'harmonie. Pourquoi l'homme, pourquoi mettez-vous plus d'énergie à vous conserver faux pour ne pas briser l'harmonie et vous imaginez que si un jour vous êtes vrai, l'autre ne pourra pas mettre la même énergie qu'il a mis à être faux à être vrai. On éduque les enfants pour avoir des problèmes parce que l'enfant lutte entre l'éducation de fausseté qu'on l'oblige et celle de sa vraie nature. Lorsqu'il arrive à l'adolescence, il maudit les parents de l'avoir déformé, mais il ne comprend plus. Et lorsqu'il est adulte, il déforme lui avec. Pourquoi? Parce que là, l'adulte a l'impression qu'en déformant l'enfant, il le forme. C'est pas ça la formation. Je le fais comme moi, je le forme. Parce que comme il est, il n'est pas correct. Comme moi, il va être correct. Alors, de déformation en déformation, on essaie toujours de rééduquer comme on pense que c'est, au lieu de laisser l'autre être pur et authentique. Alors, dans la question ici, moi, je suis tout à fait faux, l'autre est totalement faux, ma famille, mes proches sont totalement faux, et je crée une harmonie entre tout ce schéma de fausseté. Alors, je dis, c'est important pour moi que les autres soient là. Mais est-ce que c'est nécessairement intelligent? Est-ce que c'est intelligent? Peut-être. Mais est-ce que c'est intelligent qu'on vive une relation avec les autres à partir de fausseté? Alors, on va dire, oui, mais les autres ne voudront pas être vrais. Ça ne vous regarde pas. C'est ça qui est le maudit problème. C'est qu'à l'instant même où moi je veux améliorer, il faut que tout le monde s'améliore. Là, je découvre une religion, tout le monde faut qu'il embarque dedans. Je viens ici au centre, tout le monde vient au centre. Ça Ça peut être bon pour eux, ça va, mais on n'oblige pas personne à faire quoi que ce soit. Moi, si je veux devenir vrai, je deviens vrai. Et je ne m'en vais pas, je ne me sauve pas, je ne divorce pas, je deviens vrai. Et à l'intérieur du fait que je vais être vrai, l'autre devra apprendre, à ses dépens, à devenir vrai. Mais je ne dois pas éduquer l'autre. Alors la relation, elle va exister comment? Il va y avoir une brisure d'harmonie, ça va de soi. Lorsque j'ai déjà dit à la radio que des personnes venaient me voir en séminaire et ils voulaient tout savoir, ils voulaient avoir la vérité. Et lorsque je regardais certaines personnes, je leur ai déjà répondu, d'ailleurs ils ne sont juste jamais revenus, c'est qu'une personne qui se maquille comme toi ne veut rien savoir de la vérité. La personne a sacré son câble et est revenue. C'est tout à fait vrai. C'est tout à fait cela. Mais on doit éduquer l'autre à se camoufler pour nous donner l'illusion que nous sommes vrais. C'est ça qui est le problème. Si tout le monde se drogue, la drogue c'est bon. On continue toujours à être comme ça. Présentement, au niveau de la question qui est ici, c'est que vous devez essayer d'être authentique et d'être vrai. C'est la première chose. Tant qu'à démolir une harmonie, démolissez-la à l'extérieur de vous, mais pas à l'intérieur de vous. Et sachez une chose, c'est qu'entre Richard et moi, s'il est faux, je suis faux, puis qu'on s'harmonise. Alors quand on arrive, on se laisse passer après vous, on passe en même temps, on se demande comment ça va, un paquet de niaiseries, parce qu'on est en harmonie. Je me demande comment va son Dieu, il me demande comment va mon Dieu. On est en harmonie, c'est impeccable. Mais on est totalement faux, parce qu'entre nous deux, on se fout réellement de tout ça. Mais moi, j'ai tellement l'impression que si je le fais pas, qu'il va se sentir mal, et lui a été éduqué, qu'il doit se sentir mal. Parce que lui, il le fait, donc il faut que je le fasse. Alors, il est faux, je suis faux, il y a une harmonie. Alors, mais il y a une harmonie chez moi, une harmonie chez lui. Si moi, je veux m'améliorer, je dois me foutre de l'harmonie entre nous deux. Et je dois m'harmoniser moi. Et je ne créerai pas d'inharmonie chez lui. Il est déjà en inharmonie. Et si lui, par rapport au fait que tous les deux n'est pas en harmonie, parce que moi, je suis vrai et lui est faux, décide que je l'insulte, que je le frustre, que je ceci, que je cela, ça le regarde. C'est sa vie par rapport à l'extérieur, ce n'est pas la mienne par rapport à lui. Si moi j'ai suffisamment d'énergie intelligente, une fois que je suis devenu vrai, pour découvrir de quelle façon je peux le manipuler, de façon à ce qu'il croit qu'une harmonie existe entre nous deux. C'est ça la politesse, l'hypocrisie polie, c'est ça, on manipule l'autre. Alors je vais rentrer, je vais dire comment va ton Dieu. Alors il va me dire, ah, il va bien, il tient. Et moi, je vais continuer directement. Comment vas-tu, toi? Je ne parle plus de moi. Alors, il va dire, il est poli. Encore plus poli. Je ne suis pas poli pantoute, je le manipule. Je m'arrange simplement pour être moi-même, pour que lui reste autre chose que lui-même. Je ne le fais pas évoluer, je ne l'éduque pas. C'est un enfant, on peut. C'est un adulte, non. Alors donc, si on peut être diplomate, hypocrite, poli, écologiquement, c'est impeccable. Mais sachez une chose, que celui qui devient écologique va automatiquement être traité par l'être ancien d'hypocrite. Vous avez un voisin qui fait du sport, il joue au tennis. Il commence. Vous le voyez jouer, il joue comme un pied. Alors il vient vous demander, puis, bon, hein? Alors vous êtes hypocrite et vous dites, ben non, c'est quand même pas si mal. C'est un mensonge qui est bon. C'est bon mensonge. C'est écologique. Ça vous l'encourager. On lui essaye de jouer. À un moment donné, il y a quelqu'un d'autre qui vient le voir et qui lui dit, t'es pas bon. Alors lui, il répond, oui, mais mon autre chum là-bas qui joue au tennis, il me dit que je suis pas pire. C'est un maudit beau menteur. Alors vous observez comment vous jouez. Vous comptez les points, vous en arrivez à la conclusion qu'effectivement, l'autre, il vous compte des pipes. Celui qui vous encourage, c'est un maudit hypocrite. Il ne vous dit pas la vérité. Vous avez été écologique, passé pour un hypocrite. Tant pis. Oh, y'a. L'encourage pareil. Sauf que vous encouragez, non pas par politesse, attention, par écologie. Le gars qui se lance en affaires, que vous motivez, même si vous savez qu'il va se remonter en faillite, vous êtes poli, pas écologique. Certaines personnes vont vous dire, parce que vous êtes écologique, crime, tu aurais pu l'encourager un peu. Vous voyez qu'il va se casser le nez. Avez-vous tort? Avez-vous raison? Ça n'a aucune importance. Vous pensez qu'il va se casser le nez. Vous le dites. De façon écologique. d'une façon ajustée. Vous n'allez pas lui compter les moiteries. Imaginez-vous celui qui, d'ailleurs c'est sans doute arrivé comme ça, un jour il y a un jeune qui s'est fait écraser la tête par une presse, mais juste les cheveux. Quand il sortait de là, il avait les cheveux, bien droit sa tête. Alors il a demandé à son chum, comment tu fais maganer? Son chum a dit non, t'es cute à mort. T'es poli. Ça l'a parti de mode. Parce que là, tout le monde pense que c'est beau. C'est laid. Je sais pas si c'est comme ça que c'est parti. Mais c'est très important de s'ajuster, nous, et d'être authentique, puis cesser de vouloir déformer les autres, et cesser de vouloir entretenir une harmonie entre deux inharmonies. C'est bien important. Bien, bien important. On sac pas son cœur parce qu'il n'y a pas d'harmonie, on devient vrai. On devient vrai. Pourrais-tu dire s'il y a une raison ésotérique pour ce qui est de la manipulation des sujets traités par les créatures de films? Exemple, il y a quelques années, films d'horreur, de violence et monstres, possession satanique, exorcisme, l'extraterrestre et depuis quelques années des films de haut niveau mental, sinon supramental. Est-ce qu'il y aurait une relation avec l'évolution et de la pénétration de l'énergie? Alors, pendant longtemps, les films ont été manipulés par les forces d'évolution et régis de temps en temps par les forces d'évolution. Les films d'horreur et tout ce genre de charabia étaient là pour essayer de cristalliser de la psychologie astrale chez l'homme, donc d'énergiser le plan astral planétaire de façon à accoler à lui un plan mental planétaire, de façon à attirer l'énergie supramentale. À l'insu de tous, à l'insu même des énergies sataniques, les énergies sataniques ont travaillé en fonction d'être détruites. Aujourd'hui, on arrive à un contexte de films de haut niveau mental, mais il faut bien savoir aussi qu'à l'instant même où un contexte nouveau apparaît, les énergies ancestrales essaient de l'employer, l'adaptant à eux-mêmes. Alors donc, l'évolution de toutes les formes d'art depuis le passé a toujours été régie par les énergies intelligentes et toujours été asservie presque immédiatement par les énergies astrales planétaires. Je ne sais pas si tu parlais du magicien David Copperfield. Il y a une question ici. Le magicien David Copperfield, qui a passé à travers la muraille de Chine, il a passé une émission samedi, vendredi, qui fait lever une personne, et si on peut dire voler, qui a fait disparaître la Statue de la Liberté, j'aimerais que tu en parles. Ah, il a déjà fait disparaître un Boeing. Boeing, oui. Voilà, je n'ai parlé. Non, je n'en parlerai pas pour la simple raison que ce bonhomme est vivant présentement, il a une fonction exécutoire au niveau de l'instruction d'une manifestation d'énergie vitale d'ordre régi par l'intelligence supramentale, sauf que ce bonhomme est totalement ignorant de tout ce qu'il fait. Il est là pour préparer le terrain à d'autres personnes qui feront des choses similaires. C'est un contrôle belzébuthien, la matière. Mais ces personnes-là sauront ce qu'ils feront. Présentement, c'est un amuseur public qui joue un rôle inconscient et qui le joue très bien. Je ne sais pas si tu connais ce film-là, mais que penses-tu du film Abattoir 5? Non, présentement, je ne veux plus parler des films, comme j'avais dit tout à l'heure. OK. On commence à parler des énergies belzébuthiennes. Les films des Schtroumpfs. Serait-il une idée d'une société idéale, sauf qu'il manque quelque chose, la polyvalence? Les Schtroumpfs sont l'application tout à fait colorée d'une société intelligente, astralisée par un contingent satanique, de façon à créer un ordre spirituel dans les livres pour instruire les enfants que sans mental et avec un chef, un maître, le grand Schtroumpf, on va être capable d'arriver à vivre avec l'amour, la paix et tout ce qu'on voudra. Les Schtroumpfs sont l'explication de la haute spiritualité humaine avec certains défauts pour ne pas être parfait, parce que la spiritualité ne permet pas à l'homme d'être parfait, et la grande majorité des qualités. Évidemment, dans chaque paradis, il y a un enfer, Gargamel. Alors, les Schtroumpfs n'ont rien à voir avec une connotation directe d'instauration de société nouvelle. C'est réellement la tentative finale au niveau d'éducation infantile pour faire croire à l'adulte et à l'enfant qu'une société nouvelle ressemblera. Évidemment, c'est de la psychologie. C'est subliminal qu'une société nouvelle ressemblera à une ville, à un village comme celui des Schtroumpfs. Alors, c'est même, disons, satanique. Mais les schtroumpfs, c'est que c'est les énergies balbutiennes, c'est les petits gnomes, les petits farfadets. Au niveau de où ils ont été pris, oui. Au niveau de ce qu'ils tendent à amener vers chez l'homme, ce n'est pas du tout... On peut passer un livre, ce livre-là, aux enfants, il n'y a aucun problème. Au niveau cosmique, au niveau d'organigramme, d'éducation, c'est satanique. OK. Une dernière question. Dersu Guzala, dans quelle catégorie se classe ce film? À quoi est dû la peur de Dersu? À un moment donné, lui qui semblait avoir la maîtrise sur les énergies vitales telluriques. Les énergies vitales, les énergies belzébuthiennes sont continuellement régies par les forces sataniques collectivantes de l'homme et par les forces lucifériennes, créant l'ego évolutif chez l'homme et constituant l'âme même de l'évolution humaine. Lorsqu'un être humain arrive à contrôler les forces planétaires, les forces belzébuthiennes, il peut le faire de différentes façons. Il peut le faire premièrement en ayant un pacte avec les forces sataniques. Il peut le faire en ayant un pacte avec les forces iaviques. Il peut le faire en ayant un pacte avec les forces belzébuthiennes. Ou encore avec les forces lucifériennes. Lorsque cela est fait dans un pacte avec des énergies planétaires, automatiquement, il vient un temps où on doit payer le tribut. Payant ce tribut, l'homme qui ne veut pas payer le tribut parce qu'il a été presque suffisamment intelligent pour en comprendre l'écologie, pour en comprendre les mécanismes écologiques, ne voudra pas. Dans ce film, si l'individu a peur, c'est pour la simple raison qu'il n'a pas compris ce qui devait se passer, qu'il n'a pas compris le prix. Or, à un moment donné, les énergies viennent le chercher. Et l'énergie qui vient chercher un pactifiant est une énergie belzébuthienne. Donc, tout semble se retourner contre lui pour venir le chercher. Si on regarde la majorité des initiations du passé qui vont être filmées, qui vont être légendifiées ou qui vont être historiées, continuellement, on a toujours ce retour. Alors on va dire parce que ce n'était pas Dieu. Mais même celui qui travaille avec Dieu doit payer le pacte, doit payer un tribut à Dieu. Tout le temps. D'ailleurs, il devient normalement un personnage qui va souffrir énormément pour Dieu. Il devient un martyr. C'est le tribut du pacte avec Dieu. On devient un martyr. Qu'est-ce que les hommes que l'on voit dans les cadres ici, dans le salon, ont en commun? Sans doute la texture qui constitue le cadre. J'aimerais que tu parles du livre Voyage intemporel. Non. Je ne parle plus de livre ou de voyage. Les peintures ici, je peux faire une petite amusante connotation. C'est que, premièrement, le salon ici a été conçu en fonction de l'être transitif, donc il accepte en son sein les êtres nouveaux et les êtres anciens. Lorsqu'un être ancien s'illusionne d'être nouveau, il pénètre ici, il dit « Pah! C'est juste du spirituel! » Flang, il sauve tout de suite. Dans le livre qui est écrit juste à la côté de la colonne, avant la colonne, on explique bien qu'ici, on a constitué des formes pour que l'homme et la femme arrivent à se libérer de cette forme par l'intelligence de son mental. Alors ici, on a des peintures qui ne font que cristalliser les énergies évoluantes de l'Antiquité. Certaines peintures, à un moment donné, malgré le prix qu'elles ont coûté, vont disparaître. Ils vont être lentement changés, transformés par d'autres peintures. Au niveau spirituel, le salon permet l'accréditation astrale de ce qui est fait au centre. Tandis que si on n'aurait pas ces peintures et qu'on aurait un décor totalement moderne, on ne pourrait pas fonctionner. Lorsqu'un inspecteur vient, il n'a pas peur. Lorsque n'importe qui vient faire un tour ici, il y a soit le Nazaréen, soit Pythagore, le mathématicien, donc le cartésien, soit Moïse, encore là, un prophète, un patriarche biblique, qui n'est pas exclu du protestantisme, soit Hermès, donc au niveau des ésotéristes, de l'alchimiste, de la gnose, soit Paracel, soit Nostradamus, pour les personnes qui sont plus dans cette nouveauté. Le salon ici est ajusté à la grande majorité des publics. On a mis ces peintures-là simplement pour créer des ondes de forme, de façon à ajuster un travail. Au niveau de leur vivant, ils n'ont rien en commun, sauf qu'ils ont été des êtres humains, donc ils font partie de l'esprit évolutif. Posez une question. C'est... Pose une question. C'est qu'une personne qui est en harmonie avec les énergies belzébuciennes parce qu'elle est écologique avec les animaux, mais elle ne l'est pas dans la nature si elle jette des choses dehors, puis elle ne fait pas attention à cette sorte d'écologie-là. Quelle sorte de rapport elle a avec les énergies belzébuciennes? Bon, premièrement, les énergies belzébuciennes ne peuvent être contrôlées que par un être mental, en montant, donc mental ou supramental. L'homme qui a une affinité avec les animaux est un homme qui, de par sa vibration biologique, attire une énergie vitale particulière qui va être dégagée de par sa vie, son souffle, sa respiration, sa démarche, sa pulsation cardiaque, sa circulation d'énergie yin-yang et hominale au niveau de son corps. Alors, automatiquement, il entre en harmonie vibratoire avec les animaux, avec tout ce qui est du cadre naturel. Donc, Belzébuth n'a presque pas de possibilité d'agression sur ce personnage, surtout que lui n'a même pas la faculté, normalement, de conscientiser le fait qu'il n'est pas écologique. Je parle d'écologie, en fait. Voilà. Donc, c'est ce personnage qui aura la faculté, donc, d'attirer les animaux, de parler avec les animaux, et qui n'a pas de cortex mental suffisamment énergisé, il a une génétique beaucoup plus proche de la nature. Les enfants... ...de la nature, et même les animaux, la grande majorité des animaux, même les animaux qui vont être prédateurs, ne tueront pas un enfant. Ils vont s'attaquer beaucoup plus souvent à l'adulte, sauf un animal carnassier qui a goûté du sang humain. Parce que le sang humain a une faculté vitale, justement, très particulière, que lorsqu'un animal y goûte, il ne peut plus s'en passer. Cela devient une drogue dans son corps. Alors, lorsqu'un carnassier goûte à du sang humain, on doit l'abattre parce qu'il devient ce qu'on appelle un mangeur d'hommes. Que ce soit un tigre, un loup, un lion, que ce soit même un chat sauvage, un lynx, un cougar, n'importe quel de ces carnassiers, lorsqu'il va goûter l'énergie vitale d'un homme, il y a une espèce d'ego qui se développe chez lui, et l'animal a besoin de cette nourriture d'ego, la nourriture du sang de l'homme, la nourriture de la viande humaine. Alors on doit le tuer parce qu'il ne pourra plus s'en passer, il est drogué. Vitalement, la corporalité d'une personne qui émet une vitalité harmonieuse avec la nature animale, est une personne qui, d'instinct, donc de naissance, à travers toutes les naissances physiques auxquelles on va assister au niveau planétaire, il y en a qui sont en inharmonie totale, il y en a qui sont totalement débiles, il y en a qui sont drôlement intelligents, il y en a qui sont en harmonie. À travers tout ça ici, on a l'expression pluralitaire d'un esprit dans différents corps, dans différentes formes d'expérience. Comment il est vu par les énergies belzébuciennes? Comme n'importe quel humain. Sauf que les animaux ne pourront pas l'attaquer. Faudra peut-être, même le virus aura de la difficulté à l'attaquer. Même la bactérie. Alors, faudra peut-être qu'une tempête, un arbre, qu'un humain vienne le tuer. Faudra que quelque chose d'autre, si Belzébuth veut, disons, se venger de cet être, que quelque chose d'autre que l'animal même. Sauf qu'un jour, par inharmonie, par inécologie, cet homme peut arriver à transformer suffisamment son corps, par sa nourriture, par ses liaisons avec les autres, pour perdre cette faculté animale. Alors un jour, cet homme pourra mourir sous les dents des animaux qu'il a aimés. Ce qui arrive souvent avec un dompteur de cirque. Mais apprends qu'une personne qui est tout à fait mentale, puis qui vient habiller, typique d'une personne psychologique, qui vient avec un côte de chasse, qui vient avec n'importe quoi, des armes, dans le bois, mais pas dans le but de tuer l'animal. Comment est-il perçu? Par les énergies belzébuciennes, il va être perçu d'une façon douteuse. L'énergie que le bonhomme va émettre, vibrer, est une énergie mentale rassurante pour les énergies belzébuciennes. Sauf que l'onde de forme de sa corporalité émet une onde tout à fait insécurisante pour les énergies belzébuciennes. Donc, la relation entre les deux va dépendre soit de la puissance d'émettre mentalement de notre bonhomme, soit encore de la connaissance de la région où notre bonhomme va aller par Belzébuth de celui-ci. Alors, si un être humain totalement mental va souvent dans la même nature, si un jour il y apparaît déguisé, on va douter, mais on va accepter. Il faudra qu'il tue plus qu'une fois pour qu'on finisse par penser qu'il est humain. Si un être mental rentre la première fois dans une nature déguisé en homme ancien, il devra émettre énormément d'énergie mentale s'il ne veut pas que les maringouins viennent le piquer. S'il ne veut pas donc être reçu en humain. Je comprends les intervieweurs quand ils disent qu'on a l'air de ne pas savoir lire. Constatation d'un... Constatation d'une autre énergie, je suppose. Au début était l'énergie vitale tellurique. Après est venue l'énergie impérienne et l'homme des débuts. L'énergie spirituelle astrale ensuite est apparue pour former une... L'homme amené maintenant, on doit s'allier à nouveau aux énergies vitales telluriques pour construire l'homme nouveau. Je sais pas si tu peux faire ça mieux que moi. Oh oui, beaucoup mieux. Au début, c'était l'énergie vitale tellurique. Après est venue l'énergie luciférienne et l'homme des débuts. L'énergie spirituelle astrale ensuite est apparue pour former ou énergiser, sans doute, l'homme ancien. Maintenant, on doit s'allier à nouveau aux énergies vitales telluriques pour construire l'homme nouveau. Voilà. C'est en plein ça. Tu peux te commenter? Ah oui. Comment ça fait que c'est fait comme ça? Ah, tu sais, je commence en plus. Bon. L'énergie vitale est une énergie qui, présentement, est de plus en plus malmenée par l'évolution expérientielle terrestre. L'homme a besoin de cette énergie vitale comme il en a toujours eu besoin. Sauf que lorsque l'énergie vitale commence à manquer, l'homme la découvre. L'homme a toujours été l'allié des plans vitaux. Sauf que lorsque Lucifer et lorsque les énergies collectivantes sataniques ont créé l'âme et l'évolution de l'homme, de façon à ce que celui-ci quitte les plans terrestres pour revenir vers la source première, ce que l'antique religion appelle Dieu, on a simplement oublié que pour revenir, il fallait revenir en constitution complète. L'évolution égoïque spirituelle ne veut pas que le corps soit sauvé, ne veut pas que le corps vital soit sauvé, elle ne veut que l'âme soit sauvée. L'âme est luciférienne et régie par les esprits ou par les ordres sataniques au niveau terrestre. On a toujours été l'allié. Présentement, ce qui porte l'homme à évoluer n'est plus l'allié. Il veut partir en laissant à l'extérieur de son évolution le véhicule de base, le corps vital, le corps physique. Lorsque l'être nouveau saura s'ajuster à l'énergie supramentale, donc à l'énergie vitale extraplanétaire, il sera non plus qu'un simple allié, se servant de l'énergie tellurique planétaire. Mais il sera aussi une organisation qui pourra, chaque être humain sera une organisation, qui pourra capter de l'énergie vitale extraplanétaire et la transfuser au niveau terrestre pour reconstituer les énergies belzébuciennes. De ce fait, celui qui contrôle la source même de reconstitution contrôle ce qu'il reconstitue. Belzébuth et les énergies belzébuciennes, lorsqu'elles auront réussi, ou lorsqu'elles seront capables de percevoir à l'intérieur de chacun des êtres humains, un extra-humain, un extraterrestre, on peut dire, humain, un être lié à une conscience extraterrestre, donc un extraterrestre humain, il pourra le laisser libre. Il sera même capable de concentrer une dose d'énergie vitale suffisamment puissante chez lui pour l'empêcher d'être malade, cet humain extraterrestre, ou ce terrestre extra. Les énergies belzébuciennes vont donc forcer l'être humain à revenir tout à fait ce qu'il doit être, en harmonie avec Belzébuth, sous tous les plans. Sauf que l'énergie belzébucienne est en perte. L'être nouveau qui rentre en contact avec l'énergie supramentale va donc être capable de transfusionner, donc de prendre de l'énergie d'une fusion pour la transfuser à l'échelle vitale planétaire, pour aider ces énergies à la reconstitution même de la nature. On parle de guerre nucléaire et on dit, pendant 40 ans, on peut avoir des problèmes. Destruction de la couche d'ozone, un hiver nucléaire qui va durer des dizaines d'années dans certaines régions, accroissement sensible des cancers de la peau dû à la trop grande descente de rayons ultraviolets, etc., etc., etc. On parle donc d'initiation solaire. Mais l'être nouveau qui a la faculté de transfusionner de l'énergie éthérique supramentale à l'énergie éthérique planétaire ne laissera pas 40 ans de perturbation. Tout cela va être constitué beaucoup plus vite que ce que l'homme connaît, parce que l'homme présentement fait des expériences et observe la reconstitution à partir de l'énergie vitale actuelle, qui est en pénurie. Si on fait juste parler du cochon 333, dans une île du Pacifique, les Américains ont fait une expérience nucléaire, ils ont mis des animaux, ils les ont marqués. Après l'explosion nucléaire, tout a été détruit sur l'île, sauf un cochon. Je disais à l'époque que c'était la preuve que l'humain ne peut pas être tué. L'énergie vitale de l'île a permis qu'un cochon reste vivant. Pourquoi? Pourquoi Hiroshima et Nagasaki, certaines personnes, une cinquantaine dans chacune des deux villes, en plein cœur de l'explosion, ont été correctes, n'ont pas été atteintes? On dit que c'est facile à comprendre. Pour la simple raison que toute l'énergie vitale de la région même où l'explosion a eu lieu, c'est centralisé dans un être humain, dans un cochon ou dans une cinquantaine d'êtres humains. Tout le reste a été détruit par l'explosion nucléaire et aussi par la dévitalisation éthérique. Tandis que les personnes qui ont été hautement énergisées par la vitalité de tous ceux qui étaient en train d'être détruits, s'en sont sortis totalement intacts, sans avoir rien eu. Alors c'est le même phénomène au niveau de ce qui peut arriver s'il y aurait guerre nucléaire. Les êtres nouveaux ne sont pas touchés pour la simple raison que cette guerre ne les regarde pas. Lorsque l'être nouveau est capable de descendre suffisamment d'énergie éthérique supramentale au niveau du plan vital, non seulement il devient l'allié de Belzébuth, d'ailleurs il sera l'allié avant même de faire cette transfusion, mais lorsque l'être nouveau est capable de le faire, il a la faculté de retirer aux énergies belzébuthiennes de l'énergie vitale, il a la faculté de lui en donner. Alors, Belzébuth se trouve totalement désassujetti du régime satanique ou luciférien pour être totalement accolé au régime de la royauté de l'être nouveau. C'est bien. Est-ce que tout le monde va devoir passer par ça? Je veux dire, la masse va-t-il devoir passer par une guerre nucléaire pour qu'il puisse enfin vivre une initiation solaire? Parce qu'il va avoir une initiation solaire dans la matière? Tout le monde, non. La masse va passer par d'immenses cataclysmes planétaires, ça va de soi. Les décrire ne sert à rien parce que ça ne concerne pas la majorité d'entre ceux qui écoutent. Et ce n'est pas important de les décrire, ce que les prophètes ont souvent tenté. Une chose est certaine, c'est que l'humanité est suffisamment obscurcie par les êtres de lumière lucifériens que cette humanité devra être purgée. Et il y a autre chose aussi. Chaque fois que... On a expliqué dernièrement dans une conférence du vendredi, une conférence régulière, que l'homme pouvait se réincarner de son vivant et que l'homme avait aussi la faculté d'accueillir chez lui les énergies purgatorielles, évolutives, amiques de tous ceux qui meurent. Alors, on a déjà expliqué dans une conférence du vendredi que lorsqu'un être humain mourait, qu'un autre mourait, qu'un autre mourait, si leurs affinités vibratoires amiques faisaient qu'ils se rencontraient dans le ciel, donc dans l'énergie spirituelle planétaire, ils se fusionnaient. À jamais, ils étaient ensemble, pour l'éternité. C'est un fait pour l'éternité parce qu'ils vont se réincarner collectivement, pluralitairement, dans un nouveau corps physique qui va continuer à avancer. L'esprit étant le même chez chaque homme, l'esprit se pluralisant dans la matière, l'esprit se pluralisant à l'approche de la planète Terre, créant des énergies intelligentes. Chaque énergie intelligente se pluralise au contact de l'homme, créant des frères et des sœurs humains. Alors, disons qu'on a 10 énergies intelligentes supramentales, on a donc 10 peuples, ou 10 races d'hommes et de femmes. Alors, moi, je suis le frère de Richard, mais je ne suis pas le frère de Daniel, par exemple. Daniel est le frère de Marie, il est le frère de Lucie, mais il n'est pas le frère de Mario. Et Mario n'est pas mon frère, il est le frère, par contre, de Carmen et d'un autre. Pour la simple raison que chaque énergie supramentale pluralisée dans l'être humain fait constituer une famille évolutive qui va expérimenter des choses différentes et qui aura des corporalités différentes. Chacun de ces êtres humains va cheminer en fonction de connaître son Dieu. Son Dieu, son esprit. Découvrant son esprit, il va s'apercevoir que le même esprit habite d'autres personnes, créant de par cela même la religion et appliquant le terme frère et sœur, on est du même père, la mère étant la terre. On a plusieurs religions et on ne peut pas, l'homme ne peut pas inclure toute l'humanité dans sa religion parce que ce n'est pas le même Dieu, le même esprit. Lorsque l'être meurt, l'expérience astralisée de, prenons un Dieu, une famille humaine, l'expérience astralisée de cette famille, 50 personnes meurent, ils se fusionnent, se réincarnent dans un être humain. Donc, de 500 000 humains faisant partie de cette même famille, après mortalité, réincarnativement parlant, après la procréation, on aura 250 000 humains. On en aura 75 000. On en aura 50 000. On en aura 5 000. On en aura 10 000. On en aura 2 000. Et c'est toujours le même esprit qui se retrouve maintenant. Et l'homme est de plus en plus évolué. L'homme, le corps de l'homme et les corps de l'humain sont suffisamment puissants que l'esprit peut maintenant s'exprimer dans 10 corps. Il n'a plus besoin d'être exprimé dans le plan matériel réparti sur 500 000 corps. Parce que si à l'époque des 500 000 corps, l'esprit s'exprimait dans 10 corps, elle les détruisait complètement. Les corps n'étaient pas suffisamment solides. Donc, dans 10 corps, ces 10 corps-là, 5 meurent. Ces 5 personnes mourant-là n'auront pas nécessairement à vivre la phase purgatorielle inverti, connu au niveau de l'antique religion. Ces 5 personnes mourant là, leur ego, leur âme, leur astral peuvent être immédiatement intégrés par les 5 survivants, vivants. Alors la personne, elle vit, elle évolue, tout va bien, et à un moment donné, tout va mal. Elle a maintenant le karma d'un décédé sur le dos. Elle doit donc supporter le poids de l'autre, qu'elle ne connaît peut-être pas de sa conscience astrale, mais elle doit le supporter. Alors les 5 personnes viennent se porter, viennent être assujettis, viennent être accolés, viennent être supportés par le plus évolué des 5 restants. Et le Nazaréen, c'est ce qu'il a fait à un moment donné. Il a pris sur ses épaules le poids de l'humanité morte et jamais le poids de l'humanité vivante. Plus ces 10 personnes meurent, en fin de compte, il en reste un. Et ce bonhomme-là n'a pas besoin de mourir pour aller se fusionner aux autres pour se réincarner. Il est de son vivant, il va passer dans la vie, dans l'immortalité temporelle et temporaire de son vivant. 5, 10, 15 personnes peuvent le faire. Et ça crée simplement ceci, c'est qu'à un moment donné dans l'évolution collective et humaine, il y aura nécessairement une destruction majeure des entités biologiques, des êtres humains, pour la simple raison que ceux-ci n'ont plus d'efficacité évolutive, le travail approche d'une fin, non pas de la fin. Alors, tous ces êtres doivent subir le même genre d'expérience de façon à ce que dans le monde des morts, ils soient collectivés, fusionnés pour être réincarnés dans les enfants de ceux qui vont poursuivre. Est-ce que toute l'humanité va passer par ce cheminement? Non. Est-ce que la quasi-totalité de l'humanité? Oui, cela se doit. Pour vous culpabiliser un peu, plus vous allez vous conscientiser, plus vous allez précipiter l'effondrement de l'humanité. Est-ce que c'est nécessaire d'être une réincarnation unitaire pour se finaliser? Non. C'est-à-dire que tu peux réunifier tes réincarnations dans cette vie-là, puis... 5 êtres immortels peuvent faire un travail commun, donc ils ont un esprit réparti sur les 5. Avec un contact hautement télépathique suggéré par l'énergie supramentale, donc ils n'ont même plus besoin de mourir pour se fusionner dans un. Parce que l'esprit, dans ses 5 corps, dans ses 20 corps, dans ses 500 corps, il est un dans un corps, étant donné que chacun est relié par un contact télépathique mental. Mais tu as besoin de réunifier tout ça? Non, tu n'as pas, c'est-à-dire que tu n'as pas besoin de le réunifier au niveau des plans mortuaires. Tu n'as pas besoin de mourir ou de faire en sorte que les autres meurent, de façon à te rejoindre pour être unifié dans un corps. Prenons l'exemple. Toi et moi, on est assujettis au même esprit. Alors, lequel des deux doit mourir pour que l'esprit ait un corps? Ce n'est pas nécessaire que l'un des deux meure, parce qu'à un moment donné, on va être suffisamment en contact télépathique qu'on sera un. Sauf qu'on aura la faculté de faire un travail différent ailleurs, tout en faisant en sachant exactement ce que l'on fait. Donc, nous sommes un dans deux corps. Tandis que présentement, l'homme est deux avec un esprit. Au niveau de la perception astralisée. Okay. Ça te rassure? Non. Ben c'est ça, mais pour l'initiation solaire, c'est que c'est pas nécessaire que tu sois unifié, mais que l'autre soit unifié, mais c'est qu'est-ce que ça prend pour bien vivre une initiation solaire? Bon, l'initiation collective est une initiation planétaire. S'il y a un apocalypse dans le genre nucléaire, c'est une initiation solaire planétaire. Donc, ce n'est pas une initiation solaire individuelle. On va nourrir suffisamment Satan pour le démolir, pour le détruire. On va le brûler. L'initiation solaire individuelle, donc l'expulsion des énergies possessives lucifériennes de chez soi, l'expulsion de son ego, pour arriver à l'affronter en face à face au niveau mental. Et il faut, pour être prêt, avoir suffisamment d'énergie pour que cet ego reste à l'extérieur, le temps que l'esprit, que l'énergie supramentale, puisse prendre la place de l'ego dans le corps physique. Habituellement, celui qui tente l'initiation solaire va s'endormir. S'endormant, les esprits égoïques le réhabitent immédiatement et il a perdu. Il n'en meurt pas. Lorsque l'ego se croit suffisamment puissant, lorsqu'une partie de l'ego arrive à expulser à l'extérieur une autre partie de l'ego, c'est là qu'il y a le gros danger. Si le mental n'est pas celui qui dirige l'initiation par le feu, l'initiation solaire individuelle, si une partie de l'ego expulse une autre partie de l'ego, votre spiritualité expulse par exemple les forces noires, ou encore votre snobisme de conquérant compétitif expulse une partie de votre ego à l'extérieur, automatiquement, il y aura explosion du corps ou des corps ou d'un des corps. La personne meurt ou elle devient folle ou elle disparaît ou elle brûle instantanément ou etc. Normalement, elle va être possédée si elle laissait ceci et si elle va manquer son coup. C'est-à-dire que lorsqu'on parle d'initiation par le feu, chose que l'on commence en PMC6, bon, qu'est-ce qu'il faut pour être préparé? Il faut un corps en relative bonne santé, mais il faut surtout avoir donné la preuve aux énergies belzébuthiennes, à la nature. Il faut avoir donné la preuve à la nature que votre mental considérait la santé physique comme étant importante. Est-ce que vous devez être des athlètes olympiques? Non. Vous devez avoir fait suffisamment d'efforts de votre vécu, suffisamment exprimé de sueur à l'extérieur pour que l'on sache que si un jour, par miracle, on vous donne un corps en santé, que vous allez le conserver, que vous ne recommencerez pas. La personne qui est affaiblie, rachitique, pas de muscles, et qui décide de travailler, dans 2 ans, elle ne sera pas une athlète, mais dans 2 ans et un jour, elle peut en être un. L'idée est de tente à exprimer à l'extérieur par le vécu, par l'expérience que l'on sait et que l'on veut. Est-ce qu'on doit être abouti? Non. On doit avoir prouvé que l'on veut. Donc, prouver que le corps physique a de l'importance. Connaître par perception les énergies vitales. Astraliser le fait que l'énergie vitale a de l'importance, donc faire évoluer l'idée même que le corps est important. Connaître la nature, énergie vitale, énergie belzébuthienne, contact avec des animaux, surtout le cheval. Exploration de tout ce qui peut amener l'être humain à être capable de vivre en cas de survie. Cela veut dire que vous reprenez goût à la vie. En termes d'expression, c'est important. L'homme qui a peur de la mort, mais qui ne fait rien pour conserver sa vie, parce qu'il se fie sur l'organisation extérieure, n'aime pas la vie. celui qui est capable de s'organiser comme s'il irait vivre une étape de survie, est quelqu'un qui réapprend à protéger la vie, à regoûter à la vie. Est-ce que cela va être nécessaire? On s'en fout. C'est une expression vivante du fait que cela est utile pour vous de pouvoir vous conserver en vie. La personne doit apprendre aussi à aller chercher des énergies vitales d'un ordre nouveau. Dernièrement, à la conférence du vendredi, on parlait des énergies pyramidales et des énergies domiques. À partir de PMC6, les personnes commencent à travailler avec les ondes de forme créées par un dôme. Pas avant, parce qu'avant, ces énergies ont un effet suffisamment, disons, salutoire, qu'avant PMC6, il y a un risque que l'ego transmute l'expérience en médicaments miracles. Alors, encore une fois, pour pouvoir vivre l'initiation par le feu, il faut apprendre à assumer sa patience. Il faut essayer de comprendre, d'en voir l'écologie et d'accepter le fait que vous ne soyez pas prêt ou d'accepter le fait qu'on pense que vous n'êtes pas prêt. Interprétez ça comme vous voulez. Lorsque la personne va dans la forêt, lorsque la personne a réussi à être l'allié des énergies belzébuciennes, elle peut se permettre d'aller dans la forêt parce que dans la forêt, elle a un allié. Tandis que dans les villes, elle a un ennemi, Satan. La force collectivante de l'humanité. La personne doit donc arriver par différents principes que je n'explique pas en conférence spéciale ni en conférence régulière pour des raisons écologiques, mais qu'on voit en PMC 4, 5 surtout et 6. De quelle façon arriver à expulser son ego? De façon individuelle, dans un cadre particulier pour arriver à intégrer, à cellulariser l'esprit, donc l'énergie supramentale, c'est-à-dire pour arriver à ce contact. Mais on évolue pas mal plus vite en ville qu'à campagne. Au niveau de la formation, oui. Puisque l'homme nouveau sera allié des énergies vitales, il serait donc important dès maintenant de vivre dans ces énergies. Exemple, vivre à la campagne favorise tout sport à l'extérieur, mais on voit de plus en plus que tout est centralisé dans les villes où il y a la pollution. On veut garder le monde dans ce contexte. Pourquoi? Pour la simple raison que les personnes qui voudraient s'en aller immédiatement à la campagne auraient un problème. L'énergie de la campagne, présentement, n'a pas suffisamment de potentiel mental pour attirer suffisamment d'énergie supramentale. Tout se passe dans les villes où on a ce contexte mental. Évidemment, pour l'instant, le prix à payer est la pollution, la dévitalisation, la fatigue, le stress, la maladie, etc. Mais il y a des moyens. Des moyens qui peuvent être appliqués dans la ville pour permettre à tous ces mécanismes inhibiteurs de disparaître. Ces moyens, on ne peut pas vous les enseigner immédiatement. Ils sont enseignés dans les PMC supérieurs, encore une fois, parce que l'ego se prendrait au sérieux et l'ego voudrait immédiatement s'en servir tout le temps, tout de suite, sans nécessairement en avoir compris l'écologie. C'est-à-dire qu'on ne donne plus d'outils en PMC 6. On ne donne plus d'outils avec un mode d'emploi. On peut donner un outil, tu n'as pas besoin de mode d'emploi, tu sais. Alors, ce qui fait que chaque fois qu'un outil nouveau apparaît, tu sais. Tandis que c'est risqué, avant cela, de donner un outil sans mode d'emploi, la personne risquerait de s'en servir d'une façon inharmonieuse, inécologique, parce que pas prête. Dans la ville, il y a des moyens de s'arranger. Dans quelques années, d'ici 3 ans, ou plus tard, l'humain conscientisé va commencer à s'installer à la campagne parce qu'il aura le potentiel financier et parce que ce sera le temps. Il partira d'une façon plus collective, c'est-à-dire que dans sa conscience individuelle, il n'ira pas s'établir seul, mais il ira s'établir avec d'autres personnes, pas dans une communauté, d'une maison, mais on sera plus qu'un. Donc, le potentiel d'énergie supramentale va être aussi drainé vers les Laurentides. Et là, ce sera le temps d'aller à la campagne. Pour l'instant, c'est un endroit parfait pour appliquer des choses, mais la connaissance, elle ne descend que dans Montréal, au niveau du Québec pour l'instant. Mais comment ça fait que ça descend dans les villes? Il y a tellement une couche astrale dense que ça devrait pas pouvoir descendre. La couche astrale dense, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a des désirs, elle a des émotions, elle a des peurs, elle a des craintes. Plus elle est dense, plus elle a cela. Plus elle a cela, plus l'énergie d'un corps mental pour pouvoir la défendre. C'est ce corps mental dense dans les villes qui attire l'énergie supramentale. C'est pourquoi c'est dans les villes, dans les grosses villes, que l'on a présentement cette faculté de contacter l'énergie supramentale. Pose-la rapidement, on répond jamais à ces questions. L'ordonner serait la première chose à faire avant de s'engager dans l'initiation solaire. L'ordonner. S'ordonner. Créer de l'ordre. Mais c'est un petit génie. S'ordonner serait la première chose à faire avant de s'engager dans l'initiation solaire. Alors, j'ai donc un message publicitaire à faire. Le 5, 6 et 7 mai, lundi, mardi, mercredi soir, de 8h à 10h30 ou plus tard. Ces trois journées, il n'y aura pas de cours PMC parce que je vais donner un séminaire sur l'organisation vers le succès ou vers l'efficacité. Alors, ceux que ça intéresse, premièrement, on l'offre au PMC et ensuite, on l'offre au public extérieur. Disons qu'évidemment, j'ai l'impression que ceux qui sont intéressés, il faudrait qu'ils prennent pas trop de temps à s'inscrire. Et au niveau des coûts-temps, ben cette fois-ci, on fait un prix PMC, qui n'a rien à voir avec un prix extérieur. Ce qui fait que vous ne parlez pas, évidemment, à l'extérieur de ce prix. Sinon, ben, parlez-en, vous verrez la différence. Ok, sur ça, on termine. Ça répond à sa question, on fait un séminaire de trois jours, le soir, parce qu'effectivement, il faut s'ordonner. Quand on termine, on prend une petite pause de 20 minutes, on revient.